80s et 90s. Ouais, salaud. 80s, 90s. La guitare est là. C'est pénible. Oh, on va jouer. Oh, Quand on a ça, c'est beau. Thank you. Yeah. habitué. Tu connais ça? Deux jours par semaine, tu connais ça? Deux et demi. We'll be right back. Yeah. fait ça à chaque concert. Non. Si. C'est dur. Il devrait être. Ouais, c'est vrai. Thank you. pas grave. Not at all. 100 visages sur scène à la fin du concert de Pâques. Voilà. Une autre chanson de Villeray. Une autre chanson. Il y en a plus. Jérôme.